L'actualité à Nancy et ailleurs. Fini le gâchis, bonjour la vie, c'est par ces mots que le site internet de l'association Recyclune vous accueille et ce sont des sourires qui nous accueillent physiquement aussi rue du Coq à Lunéville dans ses locaux. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole de l'association Recyclune et un des fondateurs de cette association donc qui est née en 2016, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui, en avril 2016. Recyclune, c'est une recyclerie, qu'est-ce que c'est une recyclerie ? Là, c'est déjà une question complexe, parce que c'est vrai que le terme est un peu piégeant. Une recyclerie, c'est un lieu dans lequel on récupère des objets afin de limiter le gaspillage. Mais il y a beaucoup de gens qui entendent le mot recyclerie comme un lieu où on répare. Or, il s'avère qu'à Recyclune, on répare les vélos en partenariat avec l'association Vélolune. On teste le petit appareil électroménager. Parfois, on le répare quand ce sont des petites réparations. Mais globalement, c'est plutôt tout un travail de récupération, de nettoyage, de rangement, de mise en valeur des objets qui nous sont confiés. C'est ce travail-là qui est effectué à Recyclune. C'est plusieurs centaines de tonnes d'objets que vous récupérez chaque année, ça, c'est ça ? Oui. Et c'est vraiment l'objet premier de notre association, c'est de lutter contre le gaspillage. En considérant qu'on est une société de consommation qui marche sur la tête et que dans les bennes des déchetteries partout en France, il y a des objets en parfait état, des objets qui pourraient avoir une deuxième vie, qui malheureusement finissent broyés dans les déchetteries, alors qu'il y a plein de gens qui seraient heureux de les acheter à petit prix. C'est ce constat qui a fait naître cette aventure de Recyclune en 2016. Vous étiez un des fondateurs, vous étiez combien au départ ? On était une équipe d'abord de 3, puis de 5-6, et on a pu commencer l'association après une année de réflexion commune avec une équipe de 10 personnes. Et maintenant, vous êtes installé donc sur la zone des faïenceries à Lunéville, hein, c'est ça ? Voilà, près de la gare et de l'hôpital. Et maintenant, on a 5 salariés. Ça répond vraiment à une demande sur le secteur aussi, ça n'existait pas sur Lunéville ? Il n'existait pas au moment où on s'est créé d'antenne d'Emmaüs. Elle s'est créée en même temps que nous. Et Emmaüs propose plutôt des vêtements à Lunéville, alors que nous ne proposons pas de vêtements. C'est-à-dire qu'on est bien complémentaire de l'offre existante sur le territoire. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'un autre de nos objectifs, c'est de sensibiliser sur la protection de l'environnement et de créer du lien social. Et on souhaite aussi contribuer à l'animation culturelle du territoire avec des concerts, la projection de films, beaucoup d'événements. Oui, parce que vous avez cité Vélolune pour un partenariat pour la réparation de vélos. Il y a plusieurs partenariats qui sont nés depuis la création de l'association. Ah oui, on est bien implanté. On travaille avec énormément de monde, avec une association d'insertion qui s'appelle INES, avec des associations du secteur du social, de l'insertion pour l'accueil de personnes en stage. On reçoit aussi des jeunes qui effectuent des travaux d'intérêt général comme peine de substitution à l'emprisonnement. On a de très nombreux partenariats. Aujourd'hui, donc, il y a pas mal de bénévoles. Vous êtes combien de bénévoles ? On a une quarantaine de bénévoles. Toujours la porte est ouverte pour d'autres bénévoles ? Oui, avec plaisir. Oui, on a besoin de bénévoles pour des tâches très variées. C'est un magasin aussi, hein, Recyclune, c'est ouvert quand ? Alors, c'est ouvert du lundi au samedi de 14h à 17h, toute la semaine, mais uniquement les après-midi. Et vous organisez donc régulièrement des ateliers, des animations, des repair cafés pour se tenir au courant de tout ce que vous faites. Comment on fait ? Il y a un site internet, bien sûr. Oui, le moyen qui est le plus fiable et le plus performant, c'est certainement notre page Facebook, que n'importe qui peut consulter. Et n'hésitez pas à laisser votre adresse mail à Recyclune, on vous enverra toutes nos informations. En ce début d'année, avec bien sûr peut-être des projets pour les semaines, les mois à venir, qu'est-ce qui attend Recyclune ? Alors là, les prochains ateliers, ce sont en effet un repère café, puis un atelier nichoir, en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux. On a aussi un projet d'événement avec tous les acteurs de la zone des faïenceries. C'est l'ancien quartier industriel dans lequel nous sommes implantés. Donc il y a pas mal d'entreprises, pas mal d'associations. Et on projette de faire une deuxième fête des faïenceries dans l'année, certainement en septembre, avec un programme culturel, des bonnes affaires et la mise en valeur du patrimoine. Donc raison de plus pour aller s'abonner à votre page Facebook et se tenir au courant de tout ce que vous allez faire et de ce que vous faites déjà. Oui, c'est très riche, il se passe beaucoup de choses. Merci beaucoup Jean-Christophe. Merci à vous, merci Fadjet. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.